بسم الله الرحمن الرحيم. التوضيح المختصر على المنظومة البيقونية أي l'explication de البيقونية في علم الحديث مصطلح الحديث. Et on va étudier ensemble, inshallah ta'ala, le sharh de notre frère الشيخ Abu Hatim Saïd bin Da'as Al-Yafi'i rahmatullah alayhi. Tahmounir ibn Ahmad al-Maghribi, hafidhahu Allah ta'ala. Cours numéro 10. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل هذه الدروس التي نسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بها وكنا توقفنا نعم أخذنا الحديث العزيز والمشهور فما معنى العزيز في مصطلح المحدثين تفضل انفرد بروايته اثنان فقط باقي شيء في طبقة طبقة من طبقات نعم الإسناد ولو في طبقة أي لا يشترك كل إسناد سي دو دو دو دو لا ولو طبقة مثلا طبقة أتباع التابعين سون دو يكفي هكذا سيأتي معنا الفرد الفرد واحد حديثنا ما الأعمال بالنيات ولو انطبق ولو بزيار يحيى بن سعيد انفرد به هكذا العزيز انطبق يسون دو ثم ربما بعد يسون بزيار on avait pris un مثال هذا العزيز والمشهور عندك من ثلاث جهات إلى تحت من ثلاث أي ثلاث رواء إلى يبلغ حد المتواتر المتواتر وسيأتي أو تقدم معنا أن المتواتر لا بان نومبر بريسي العلماء اختلفوا لكن كثير من الرواة ils ont rapporté ce hadith ils disent هذا الحديث il est متواتر ces deux قسم donc ça a rapport avec العدد أما من حيث الصحة bien sûr on revient aux شروط qu'on a vu في الصحيح والحسن قال الإمام البيقوني رحمه الله معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم دو قسم المعنعن والمبهم et ces deux aqsam ils sont importants لأن ça c'est lié directement avec صحة الحديث أو ضعفه قال الشارح رحمه الله ذكر الناظم رحمه الله في هذا البيت الناظم البيقوني المعنعن والمبهم من الحديث قال أولها donc il va commencer par le premier قسم أولها المعنعن المعنعن vous avez compris أن ça vient de عن معنعن أي فلان عن فلان عن فلان c'est ça le hadith المعنعن قال وهو ما روي بلفظ عن من غير بيان للتحديث والإخبار التحديث حدثنا الإخبار أخبرني هذه الصيغة أي العنعنة ils ont appelé le hadith qui avec cette sira أي في الإسناد محمد عن مالك عن جابر عن أسامة الحديث إلا قل المعنعن قال وهو ما روي بلفظ عن من غير بيان للتحديث والإخبار انظر شرح التبصرة وفتح المغي قال وقد أشار الناظم إلى تعريفه بالمثال بقوله et ça c'est une manière de عرف التعريف إما العلماء يعرفون بالنص يتسيت تعريف إما بالمثال سيطيب لأن أحيانا تبلي لتعريف لكن تا مثال فلا بأس فهنا إلى ستا مثال كعن سعيد عن كرم كعن سعيد عن كرم إلى ستا دو نون دي زيكزام فقط معنعن عن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم فذاك ما كيك لا في نغيم avec كرم اي يسم هذا صرصا كي لا شوزي سينو قال واما حكم قبل هذا وقد اشار الناظم الى تعريفه بالمثال بقوله كعن سعيد عن كرم انظر التمهيد لابن عبد البر والمقدمه لابن الصلاح نعم فذاكم خلا المثال انا بوكو في هذا عن عن عن نسكي نوز انتريس في الحقيقه سي الحكم اما هذا سي سامبل الآن ما هو الحكم كنت إسناد مثلا هنا تعن الآن هنا تراوي Ce raoui dit an. On a un deuxième raoui. C'est quoi le hukm? On va voir qu'il y a des shurut. On va les lire là. Et c'est ça qui est important fi hada. Amma le ta'rif, wadih. Al-mu'an'an, ay sigat al-tahdid, c'est an. Qala, amma hukm al-mu'an'an. Fa fihi aqwal. Wa as-sahihu. Et ce khilaf, vous le verrez dans les prochains livres. Khassatan les gros livres, katadrib al-rawi, wa at-taqid wa al-idah. Tous ces gros livres, ils vont s'adam khilaf. Qala wa as-sahih. الذي عليه جمهور المحدثين المتقدمين كابن المديني اللي معروف من مشايخ الإمام البخاري تقدم معنا ست إمام في محنة الإمام أحمد الإمام ابن المديني من أئمة السنة رحمة الله عليه السنة البخاري رحمة الله عليه في الصحيح يرابط عنه قال والبخاري لقبه بأمير المؤمنين في الحديث قال أنه متصل بثلاثة شروط ذكرها ابن عبد البر في التمهيد وادعى الإجماع على ذلك قوله ادعى الإجماع ça montre que المسألة الحقيقة فيها خلاف comme vous verrez dans les prochains livres. نحن ce qui nous intéresse الآن à notre niveau c'est est-ce que عن c'est forcément متصل. Vous vous rappelez شروط الصحة? Qui c'est qui les répète? Indak. Ittisal, al-ittisal, on va mettre. Adalat al-rawi, ahsant. Al-thalith. Al-dhabt. Al-rabi'. Tanzih al-shib. Naam. Al-salama. Min al-shudud. Al-khamis. Al-salama min al-illa. Ça, c'est les cinq shurut. Nahnu l'an. Vu que ce qui nous intéresse fil mu'an'an quand le rawi dit an nahnu l'an on doit ce qui nous intéresse c'est le hukm ala al-hadith est-ce qu'il est sahih amla. Si on applique le deuxième shart est-ce que ça il fait partie de l'udul hada ou hada est-ce que le dhabt est-ce que l'isnad il n'y a pas de shudud il n'y a pas d'illa ma'rouf. Ce qui nous intéresse l'an c'est l'ittisal limada l'an l'an ana je peux dire an Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Thomas, je cite un de ses qawl. Est-ce que j'ai rencontré Cheikh Ibn Baz? Là. Quand je dis an, ça implique pas que je l'ai rencontré. Ça implique pas qu'il est muttasil. Rabbama, wahed, il est né après la mort de Cheikh Ibn Baz. Il a même pas, ils étaient même pas à la même époque. Et il dit an. L'imad, il y en a quelqu'un l'a informé, ou il a entendu un khabar, il dit an Cheikh Ibn Baz. Et d'après Cheikh Ibn Baz, telle chose. Est-ce que c'est muttasil? Là. Al-an, pour qu'il soit muttasil, d'ici à ici, celui-là à celui-là, entre eux, il y a un, pour qu'il soit muttasil, il y a trois shurouts. Qal wa hiya. Al-awwal, adalatul rawi. Premier shart. C'est que celui qui dit un, hada, il soit min al-udul. On revient aux shurouts qu'on a fait, c'est ma'rouf. Si c'est un va'if qui dit un, là. لا لأن أصلا هو إلي ضعيف عدالة الراوي يعني غير سيا دوو عدالة الرواوي الثاني سلامة الراوي من التدليس et c'est ça qui nous intéresse نحن هنا qui fait partie de l'udul et bien sûr أنه يسلم من التدليس et on verra التدليس بعد قال الثالث اللقاء الراوي لمن روى عنه بالعنعنة أي سك هذا سيفة بارتي دو العدول سي با مدلس on va voir المدلس il fait croire une chose que في الحقيقة il a pas vu ou il a pas entendu تدليس معروف en langue arabe التدليس c'est tu fais croire une chose qu'il y a pas c'est un نوع من الكذب لكن il y a un تفصيل il y a un long تفصيل في التدليس qu'on verra inshallah. On lit un petit aperçu, c'est mon asib, hatta vous comprenez. Le 20e nawa. Wal mu'dhal as-saqit minhu ithnan wa ma ata mudallas an-naw'an. Naam. Thumma il a expliqué. Qala al-mudallis, page 23. Ma akhud min ad-dalas bit-tahrik. Ad-dalas bit-tahrik, ay fath ad-dal wa fath al-lam. Qal wa huwa ad-dhalam. كأنه لتغطيته على الواقف عليه أظلم أمره Donc c'est quelque chose de pas taïb, cette tadlis. قال وما في الاصطلاح فهو قسمان ثم الى سيتي تدليس في الاسناد الى اخره. Parmi les exemples qu'on peut vous donner الان, un rawi il dit an et il veut faire croire qu'il a rencontré le cheikh alors qu'il l'a jamais rencontré. مثلا واحد il dit an cheikh مقبل رحمه الله et il cite un saqwal. Il veut faire croire انه il a rencontré cheikh مقبل. لانه il était au Yémen مثلا et il veut faire croire هذا. هذا الآن ستتدليس لأن أنت quand tu lis en t'entends son kalam tu penses vraiment qu'il l'a rencontré لأن il dit عن فلهذا ils ont mis ce شرط مثلا pour vous faire comprendre un imam l'imam Malik رحمه الله il dit عن il n'est pas connu pour تدليس c'est un ثقة c'est un imam معروف il dit عن فلان خلاص on sait que le hadith il est متصل un مدلس لا ربما il dit عن il l'a jamais rencontré il l'a jamais vu. Un, on est obligé de regarder. C'est qui a entre lui et le cheikh. Les anna quand le modèle dit an, en fait, il l'a pas rencontré. Maintenant, un nous dit an, cheikh Mokbil, tu l'as pas rencontré. Entre toi et cheikh Mokbil, il y a quelqu'un, c'est qui? Vous avez vu la différence? Amma, si c'est un thika, il n'est pas mis dans le modèle et il dit an, face au khabar, il est maqboul. C'est pour ça qu'ils ont cité ces trois choses. Lakin, en fait, pour bien comprendre, il faut comprendre la tadlis. Et nous, on ne peut pas tous citer l'un. Enfin, Inch'Allah, on reviendra sur هذا. Quand on fera la révision de tous les aqsam, Inch'Allah, on reviendra. Wa fi sharh Sheikh Hussein, قال التدليس لغة مشتق من الدلس. قال وهو اختلاط الظلم بالنور. نعم. ومنه التدليس في البيع. نعم. On dit مثلا, في البيع هذا, il y a du تدليس. Ça ressemble au تلبيس. قال وهو كتمان عيب السلعة من المشتري. نعم. تدليس أي كاش ان ديفو اي كاش ان ديفو سي حرام هذا سا سي دو تدليس ثم الى سيتي الاقسام تدليس في الاسناد تدليس الشيوخ ان شاء الله اون فيرون ديتاي المهم سك في العنعنه من الشروط بور كو الحديث يسوا اكسبتي الراوي يسوا من العدول كذلك في با دو تدليس ان شاء الله avec cette ce petit aperçu في التدليس vous avez compris et vous comprendrez اكثر بعد et vous verrez qu'il y a du تدليس il est c'est du شر. C'est du kadib. Il y a du tadlis, c'est akhaf. Il y a du tadlis, il est accepté. Les grands imams, il est accepté. Les annahum, c'est des imams. Al-ulama, ils acceptent. On verra tout ça, inshallah, fi qism al-mudallis. On revient à nos shurut. Qala al-awwal adalatul rawi. Al-thani salamatul rawi min al-tadlis. Ce rawi, il ne faut pas que ce soit un mudallis. Si c'est un mudallis, ils vont regarder. Qala al-thalit. لقاء الراوي لمن روى عنه بالعنعنة لقاء ce troisième est un khilaf comme on va voir l'un et c'est un des khilaf qu'il y a entre l'imam Bukhari et l'imam Muslim. L'avis de Bukhari, c'est pour ça que vous vous rappelez au début, il a cité قول الجمهور منهم ابن المديني والبخاري. Al-Bukhari il a un شرط dans un, et c'est le شرط de son sahih qui est connu, c'est que ce raoui il a forcément rencontré هذا. Au moins une fois. Lakin, ils se sont rencontrés. Muslim, rahimahullah, قال, on suit le kalam, الآن, قال, واكتفى مسلم بالمعاصرة مع إمكان اللقاء. Al-imam Muslim, pour lui, l'essentiel, c'est que lui et lui, ils ont vécu à la même époque. Et, il y a eu une possibilité qu'ils se sont rencontrés. Maintenant, les deux, ils étaient au Yémen. Ils étaient à la même époque. Il dit, an, ça veut dire que Rubama, il l'a rencontré. L'imam al-Bukhari, vous avez compris que son shart, il est aqwa. C'est pour ça que l'ulama, une des raisons qu'ils ont fait passer le Bukhari avant Muslim, c'est hala. Et d'autres choses. Al-An, on répète, al-thalith liqa al-rawi liman rawa anhu bil-an'ana. C'est que celui-là, il a rencontré celui-là. Il dit an. Tamam. Pourquoi l'an, ce shart, il est important qu'il l'ait rencontré? L'an, on va revenir à ces jours-là. Pourquoi l'ulama, ils n'acceptent pas s'il ne l'a pas rencontré? Ou, chard l'imam muslim, al-mu'asara ma'a imkan al-liqa. Mu'asara, ils ont vécu la même période et il y a une possibilité qu'ils se rencontrent. Kadalik, chard l'imam muslim, il est accepté. Lakin, sur le Bukhari, il est plus précis, il est plus qawi. Lakin, l'imam al-an, c'est important ces jours-là. Al-mu'asara. Ou, l'imam Bukhari, dit, ils le rencontrent au moins une fois. L'imam al-an. بالنسبة الذي يقول هذا نعم Quand tu dis « al » Non. S'il l'a rencontré, c'est un thiqa, il ne va pas mentir. Les choses, il a pris ça. Tu sais qu'il a pris de lui. Mais s'il ne l'a pas rencontré, il manque quelqu'un. Là. Il ne l'a pas rencontré. Qui c'est qui lui a dit que Foulen, il avait... Donc ici, il y aura un manque. Vous avez compris. Il est dans notre pays, il nous dit « an ». Nous, on peut dire que tu ne l'as pas rencontré. Qui c'est qui t'a dit ça? Tu dis « an » et vous allez voir que le moudallis... Et c'est là que c'est grave. C'est que le moudallis, le cours qu'on verra sur tête, il dit « an » pour cacher un daïf. Il sait que s'il dit « c'est Foulen qui m'a informé », le muhaddithoun, ils vont dire « il est daïf ». Donc, il l'enlève et il dit « an ». Et il fait croire qu'il a rencontré direct. Et cette liste, il est très grave. Vous avez compris, Ada. C'est pour ça que les ulama, ils ont mis ces shurut, pour préserver les hadiths, et kadalik, ils rejettent riwayat al-mudallisin, bien sûr, avec un tafsil, qu'on verra. C'est pour ça que c'est important, ces shurut. Et vous comprenez pourquoi Allah, subhanahu wa ta'ala, il a élevé sahih al-Bukhari et sahih muslim. Ce genre de shurut. Alors, ils ont fermé les portes à ceux qui veulent introduire des hadiths ou faire passer des hadiths ou rapporter une narration à un daïf, ils ont laissé chourout et ils ont fermé les portes. Adalatul rawi, salamatul rawi min at-tadlis, al-liqa al-rawi liman rawa anhu bil-anana. Ça c'est chourout al-Bukhari wa al-Jumhur. Et l'imam muslim قال واكتفى مسلم بالمعاصرة مع إن كان اللقاء كما نص على ذلك مقدمة كتابه في إمام في مقدمة كتابه الصحيح rajouté في مسألة شروط البخاري ومسلم vous verrez dans les autres livres. Il y en a, les ulama, ils ont parlé sur ces shurut et ils ont montré le khilaf, ils ont montré la différence, ils ont montré qu'ils étaient acceptés, tout ça inshallah dans les prochains livres. Lakin à notre niveau là, c'est compris. قال ومراد من اشترط اللقاء باللقاء السماع. نعم. Quand le Bukhari dit son short, c'est que celui-là, il a rencontré celui-là. Et il a entendu. Il a entendu an. أما l'imam muslim, son short c'est le mu'asara ma'a imkan. Ils se sont peut-être rencontrés. Il n'a pas mis un short qu'il a forcément entendu de lui. أما l'imam Bukhari, là. Il l'a rencontré, il a entendu de lui. Comme il accepte un hadith. قال ومراد من اشترط اللقاء باللقاء السماع كما نبه على ذلك ابن رشيد الفهري في كتابه السنن الأبين. هذا c'est معروف. هذا c'est معروف. Dans les doros de Shir, souvent il a nabah an hada, il nous a expliqué plus d'une fois la différence entre shurut al-Bukhari et Muslim. C'est pour ça que Ad-Daraja fi As-Sihha, on avait fait le tertib. Le premier c'est le Muttafaq alayh. Thumma c'est le Bukhari. Thumma c'est Muslim. Fashart al-Bukhari, il est plus fort. L'imam a une rencontre et il a entendu. L'imam Muslim, Mu'asara, ils ont vécu à la même époque et ils se sont. Il y a une possibilité de rencontre. Alors, chacun a Shart al-Bukhari, il est plus qawl. قال وقد استدرك عبد الستار على الناظم قوله أو قوله في المعنعن معنعن كعن سعيد عن كرم فقال معنعن المدلسين عن كرم قال وهو خطأ لأن الناظم أراد بقوله ذلك الإشارة إلى المعنعن مطلقا سواء كانت العنعن من المدلس أو من غيره. نعم عبد الستار هذا مؤلف إلى بوكو إلى كورجي. D'après son ijtihad à lui, il est corrigé des choses de l'Bayquniya. فَمَتَلَنْ هُنَا مُعَنْعَنُنْ Il a remplacé كَعَنْ سَعِيد Lui, il a mis المُدَلِّسِينَ. Alors que là, l'Bayquniya, il a voulu الْعَنْعَنَا عَنِ الْمُدَلِّسِ وَغَيْلِ الْمُدَلِّسِ. Thumma, c'est le مُدَلِّسِ qui fassal. Comme on l'a fait l'an. Il explique les shurut. Dès que ce n'est pas un مُدَلِّسِ, elle a accepté. Dès que c'est un مُدَلِّسِ, elle est rejetée. هَذَا مَا هُوَ عَبْدُ السَّتَّارِ هَذَا كَأَنَّهُ إِلَى مِنْ الْبَيْتِ Ce vers de poésie. Il a qayyid huwa le vers de poésie كأنه البيقوني il aurait dû mettre pour le مدلسين. Alors que là لأن العنعنة هي تفصيل. قال وهو خطأ لأن الناظم راض بقوله ذلك الإشارة إلى المعنعن مطلقا سواء كانت العنعنة من مدلس أو من غيره. نعم مدلس أو غيره. Si c'est un مدلس elle est rejetée. Si c'est pas un مدلس elle a accepté bien sûr avec les trois shurut. قال ولم يرد عنعنة المدلسين فقط إذ أن عنعنة المدلسين يطلق عليها المدلس هذا القسم ونرى هذا القسم في التدليس قال والتقييد المستدرك للعنعنة للمدلسين معناها أن عنعنة غير المدلسين لا تدخل في المعنعن هذا ليس صواب لأن المعنعن هو الفت دو دير عن Si Sorawi c'est un modéliste, tu appelles ça Mu'an'an. Et tu auras un mouqif par rapport au hukm. Si c'est pas un modéliste, tu l'appelleras Mu'an'an. Et tu auras un mouqif par rapport au hukm. C'est le hukm qui change. Mais les deux s'appellent Mu'an'an. Amma Abd al-Sittar, quand il a voulu montrer que le Mu'an'an, c'est pour le modéliste. Ça, c'est khata. Ça te montre que ce n'est pas chaque critique qui est faite qui est acceptée. Là. Et ce n'est pas chaque intiqad qui est fait, c'est accepté. Ou alors, si c'est un alim, un imam. Et intiqal, c'est le fait de reprocher une chose. Tu corriges d'un livre. Matalan. Un shir, il corrige un autre. Il dit, ce shir, il s'est trompé parce que telle chose, telle chose. Ça ne veut pas dire que c'est haq. Il y en a le premier shir, c'est un mujtahid, et le deuxième shir, c'est un mujtahid. Enfin, on revient, on regarde, c'est quoi ce sawaf. Ahyanan, on acceptera, et ahyanan, on n'acceptera pas. Amma al-muqallif, et adal-hal, il se fait du mal. Il entend un shir qui intaqad, il croit que c'est forcément haq. Qala, wa huwa khata kama sabaq, bayanuhu wallahu a'lam. On revient à un résumé. Anna al-mu'an'an, c'est le fait que le rawi, il dise an. An fulan. Pas forcément dans tous les tabaqas. Si c'est dans les tous tabaqas, on appellera comment? On l'a vu, c'est non. Si c'est fulan, an fulan, an fulan, an fulan. Moussalsal. Moussalsal bi? Bi'an. Bi'an. Ou bil'an'an. Ahsan. Amma huna, si y'a an, un rawi dit an, on appellera ça al-mu'an'an. Pas forcément dans tous les tabacs. Et l'ulama, c'est pas à chaque fois qu'il y a un hadith d'an, ils vont dire mu'an'an. Là, abedan. Ça, c'est rien que pour comprendre les sulahat, l'ulama, on répète. Mais comme il y a un hadith d'an, et on ne dit pas ça, hadith mu'an'an. Lakin antal an, tu connais ce mot, et si tu trouves ça dans un livre, tu connaîtras. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le hukm. Al-hukm, anna sirrawi fait partie de l'udul. Quand il y a un qa'il, s'il fait partie de l'udul, ça suffit. Là. L'anna, min al-udul, ils font du tadlis, comme on va voir. C'est pour ça qu'ils ont mis le deuxième chart. Salama min at-tadlis. Le troisième chart, al-liqa. Ça, il y a un khilaf. Les ulama, ils ont dit, liqa al-rawi, li man rawa'an, obligé qu'il l'a rencontré. Al-liqa, c'est bima'na? Sima'a. Na'a, al-sama'a. Et d'autres savants, d'autres imams, qu'à l'imam muslim, il n'a pas mis ce chart obligé qu'il a entendu. Là. Aham shay pour lui, minimum, c'est qu'il l'a rencontré et il y a une possibilité de liqa, de sama'a. Même si tu n'as pas un nos. L'essentiel, ils étaient mu'asir, ils vivaient à la même époque. Donc il y a une possibilité. Tant que c'est un fiqa, pour lui, c'est accepté. Si tu as ces shurut, elle est acceptée. Il y a des livres, certains imams, ils ont écrit, il y a Tabaqat al-Mudallisin. Vous verrez ça dans les prochains livres. Il y a des livres, ils ont un livre. Certains imams, ils ont rassemblé tous les Mudallisin. Dès que tu as une recherche à faire, tu reviens à ce livre et tu sauras si ce rapporteur c'est un Mudallis, s'il a accepté son hadith, amla. Ça, c'est le premier nom, Al-Mu'an'an. Thumma, Zakara, Al-Sheikh, Rahmatullah alayhi, Sheikh Saïd, Zakara, Al-Mubham. Qala, Thaniyan, Al-Mubham. Al-Mubham, vous allez voir qu'il y a deux cas. Un Isnad, et هنا تلمت. Al-Isnad, معروف. C'est la silsila des rouat qui emmène au matn. Al-Matn, c'est la parole du prophète, ou un de ses faits et gestes. Al-Ibham, comme on va voir. Ibham, c'est quelque chose d'inconnu. Cette chose, elle est mubhama. Imma, c'est dans le matn. Imma, c'est dans l'isnat. Une des deux. Un grand imam, il rapporte d'un autre. Thumma, ils disent an rajulin. Ou sami'tu rajulin. Rajul, on n'a pas son nom. On ne sait pas d'où il vient. Rajul. Al-an, tu vas connaître le hukm. Le hukm du hadith. Ça sera quoi le hukm? Si le Ibham, il est dans l'isnat. Et ça sera le hukm, il sera accepté, mais là. Il ne sera pas accepté, l'ibad, il y en a min shurut al-sihha al-dhab. On ne sait pas c'est qui. Min shurut al-sihha al-adala, on ne sait pas c'est qui. Al-ulama, il rejette. Hada, ça s'appelle al-mubham. Kadhalik, tu peux avoir ce ibham, filmat. Matalan, rajulun, ja'a, il a nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que ça sera la même chose qu'ici? Lesh. Il est pas متعلق بال est-ce que ça fait du mal que tu connaisses ou pas ça fait aucun mal enfin bien différencier entre l'ibham fil isnad et l'ibham fil matn في المتن صافي اوكان مال لكن هذه فوائد دو كونفر سيكي كما سياتي اما في الماء في الاسناد لا تي اوبليجي صافي سيكي. قال ثانيا المبهم وقد عرف الناظم المبهم باحد قسميه وهو مبهم الاسناد اما البيقوني الى عرف هذا الى بابا لي دو سيلولا لان سيلولا في الحقيقه صافي اوكان مال حديد فكان الامام البيقوني هو il voulait par rapport au isnad annahu pour montrer que ça fait du mal qala wa huwa mubham al isnad wa huwa ma fi sanadihi rawin lam yusamma bismih lam yusamma. Il faut bien faire la différence, il y aura un autre qism qu'on verra que ça ressemble au mubham, on verra inchallah à la fin du cours. Donc huna al mubham ma fi sanadihi wa huwa ma fi sanadihi rawin lam yusamma bismih qala كما عرفه الناظم نحو رجل وامرأة وشيخ وثقة. Pourquoi on n'acceptera pas ثقة؟ Si فلان يدي حدثني ثقة. يدي ثقة. من شروط الصحة العدالة. C'est ثقة. لماذا on n'accepte pas؟ لكن قد يكون ثقة وضعيف الحديث. لا لا بس. لأن ربما c'est ثقة pour lui et chez un autre c'est ضعيف. ربما pour lui c'est ثقة. Il a vu que du خير. Lakin un autre imam, si tu viens dire son nom, il va dire là, moi je connais, il a fait telle chose, il a fait telle chose. Enfin, c'est pas un fiqh. قال وقد يكون. Donc, الإبهام في السند, ça fait du mal au isnad. Ça fait du mal au isnad, et les ulama, ils n'acceptent pas ce hadith. Ils diront, il est ضعيف. Pourquoi? لأن في السند رجل مبهم. On ne sait pas c'est qui, on ne peut pas appliquer sur l'autre sihaf et il rejette. Comment tu vas accepter un sanad et il y a un inconnu? Tu ne sais pas son hal, tu ne sais pas est-ce qu'il a du dhabt, est-ce qu'il a du hib. Rubama c'est un fasiq, rubama c'est un mubtadi', rubama c'est un kafir, rubama. Avec ce hal, l'ulama il rejette. Ça nous montre que d'ailleurs qu'à notre niveau, nous, on prend l'akhbar min al-ma'roufin. Ce qui fait beaucoup de fitan à notre époque, c'est هذا. Ils prennent khabar, un radulin ou mra'atin, c'est mubham, je ne sais pas c'est qui. J'ai entendu, quelqu'un a dit, al-ulama al-hadith, ils n'acceptent pas. Nous, le musib al-an, rubbama, vu que les médias ça s'est propagé, la plupart c'est tu ne sais pas c'est qui rapporte le kalam. Bel ahyanan, tu sais, c'est des kuffars. Ah, là, ça fait du mal. La personne, elle fait attention à ses sources. Celui qui ne fait pas attention à ses sources, il ouvre une porte de fitna. Il y en a kadhabin, c'est malien. Al-haqidin, il y en a beaucoup. Des gens qui veulent propager le shirk, il y en a beaucoup. Jiddan. Ils sont beaucoup plus que Ahl al-Khayr. Fais attention. Khassatan al-akhbar politique sur les gouverneurs, des choses qui sont ta'alliq bil fitan, comme il se passe de nos jours, il faut faire attention. Tu n'écoutes pas n'importe qui. Mushkil al-an, un journal, il propage une chose. Umma, elle y croit. Comme si c'était une vérité, khalas. Alors que c'est du kadib. Bel, c'est une raison, ou c'est un moyen que le kuffar les emploie pour faire des fitan. Il lance un khabar, hakada. Personne, tu ne peux pas vérifier as-suha, tu ne peux pas vérifier la source. Fatouk. Kadalik, une deuxième erreur qu'il ne veut pas faire, c'est propager. Bardana, il propage. Quand tu lui dis, non, moi j'ai propagé, c'est tout. Pourquoi tu propages du shor? T'as pas le droit de propager du char. Wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu ala al-ithmi wa al-udwan. T'as pas le droit de propager. Thomas, tu prétends, moi j'ai propagé, faqat. T'as pas le droit de propager du char. Propage du khayr. Propage des hadiths, propage des versets du Coran, propage kalam ahl al-ilm. Propage des règles que t'as appris, propage hada. Amma, khabar, personne sait d'où ça vient. Na'oudu billah. Fais attention à hada. Amma, fil haqiqa, cette période, il y avait du khayr jiddan. Pourtant, l'ulama, la période des salaf, التابعين أتبع التابعين لزيمام كيسون من يبقى تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زكي ستوبريود خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ستوبريود malgré ça s'il y a un مبهم العلماء ils acceptent pas, ils ont fermé les portes. ما بالك notre époque انتشر فيه الكذب والخداع والمكر والكفر والزندقة والنفاق. On doit faire très attention, même si les cités sont non, c'est qui on a un doute, on rejette, on prend pas ton قول. Et là, on doit revenir à Ahl al-Ilm. On doit revenir à Ahl al-Ilm, khassatan par rapport au fitan. C'est lui qui va te dire, Inch'Allah, il va t'emmener une information. Tamfa'uk. Elle ne te fera pas de mal. Bi'idni Allah Azza wa Jalla. Qala. Wa qad yakuna al-ibham fil matn. Huna. Donc, huna, t'as un hukm. Huna, t'as un autre hukm. Il manque, est-ce qu'il a fait la précision? On l'a fait ici. Il manque, huna, ibham, tabaqat al-sahaba. Et huna, t'as ibham, t'as pas son nom. Il dit pas, an ibn Mas'ud, an Omar, an Abi Bakr, an Abi Darda. Il dit pas, il dit, an rajulun, ou an rajulin min al-sahaba. Ça sera quoi le hukm? Non, il a accepté l'imada, il y a un sahaba. Non, t'as pas besoin, même si tu sais pas son nom. Tant que c'est un sahabi, on accepte. Donc, al-ibham, ça fait du mal au sanad, sauf tabaqat al-sahaba. Si c'est un sahabi, il dit c'est un rajul, on sait pas son nom, mais il est min al-sahaba. Yakfi. Le fait qu'il soit min al-sahaba, son hadith, il a accepté. Ça fait aucun mal. Donc, pour l'isnad, le hadith il est rejeté si un mubham, sauf si c'est un sahabi. هذا انتهينا. الآن on revient au matn. قال وقد يكون الإبهام في المتن كما في حديث أن امرأة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض. قال والمرأة هي أسماء. نعم الحديث ليس صحيح. أن امرأة elle est venue demander au prophète صلى الله عليه وسلم عن الحيض dans le matn مبهم امرأة. في الحقيقة avec les recherches on sait que c'est Asma. Et c'est une faïda, al-ibham, que ce soit dans le sanad ou dans le met, tu peux trouver ce qui est le nom. Comment tu veux? Tu reviens aux riwayat. Des recherches dans Kutub al-Hadith, et tu trouveras qu'il y a plusieurs riwayat. Et peut-être qu'ici c'est écrit Rajul, dans une deuxième riwayat, tu auras son nom. Tu fais des recherches, si tu trouves que c'est un daif, tu rejettes. Si tu trouves que c'est un thiqa, c'est bon. Tu cites ce sanad, tu cites le deuxième pour montrer que Al-Ibham, en fait, il est connu, c'est Foulan, et le hadith, il est accepté. Voilà, كذلك, tu peux trouver un deuxième riwaya, un autre imam, il rapporte le hadith et il te dit, Mra'a wa hiya asma. Et t'as, alhamdulillah, t'as stafel. Enfin, Ibham, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas trouver c'est qui. Là, là, il y en a un savant, il peut dire Rajul, un autre, il peut dire son nom. Il a connu son nom. Ça montre l'importance des recherches. Et ilm al-hadith, jamais ne te précipite, tu donnes un hukm sur qu'un isnad. Tu peux trouver un isnad, il y a un bobin, tu peux trouver un deuxième, il y a le nom. C'est pour ça, ilm al-hadith, c'est des recherches. C'est pour ça qu'il y a un khilaf bayna al-ulama. Tu peux trouver Sheikh Mokbil maintenant, il a hukm ala ce hadith, il est daif, mubham. Tu peux trouver Sheikh Al-Albani, il cite une deuxième tariqa, il te dit le mubham, c'est Fulan, on sait c'est qui. Et c'est un fiqa. Khalas, le hadith, il est accepté. Ça te montre en tant que talib ilm l'importance de faire des recherches. Et ne pas te précipiter fil hukm ala al-hadith. T'as lu un isnad, khalas. Là, le hadith, ça demande du temps. Et le travail que l'imam Al-Albani, rahmatullah alayhi, il a fait fi al-sahiha. Wa al-da'ifa, ça montre son niveau fil ilm, rahmatullah alayhi, khasatan fi hadha al-ilm, ilm al-hadith. Qala wa yu'raf al-shakhs al-mubham bi an yarid musamma fi ba'd turuq al-hadith. Première solution, premier moyen pour connaître le nom d'un mubham, une autre riwaya avec les recherches. Deuxième, qala aw bi tansis ahli al-amal ala dhalik. Aw dans certains livres, il y a des livres fi dans ce qisme, al-mubham, des imams, ils ont écrit. Et ils te montrent. Ils te disent, Rajul, dans ce sanad, c'est Foulan. Et ils en mettent la parole d'un imam. Et tu reviens à leur kalam. Donc, imma une autre riwaya, imma la parole d'un savant. Qal wa fa'idatul bahth. Qad yaqul qa'il, c'est quoi la fa'ida? Amma fil isnad, c'est wadih. Fil isnad, la fa'ida, c'est que tu pourras, ce hadith, tu pourras savoir s'il est sahih ou la. Maintenant, si tu n'as que ce mubham, il est daif, la chèque. Lakin avec une autre riwaya, tu pourras savoir qu'en fait il est sahih ou hasan. Ou tu pourras être sûr qu'il est daif, pas parce qu'il est mubham, parce que le mubham c'est un daif. C'est des fawa'id. قال وفائدة البحث عن المبهم ومعرفته زوال الجهالة عنه إن كان في الإسناد. L'exemple ici. Cet exemple avec al-bahth. Tu sauras que ce mubham, en fait, c'est Foulan. Thomas, peut-être que le hadith, en fait, il est sahih. Ça, c'est fait l'isnad. قال أن صحة الحديث تتوقف على معرفته. على معرفة هذا. قال أما إذا كان الإبهام في المتن فلا يضر في صحة الحديث. نعم, ça fait aucun mal à صحة الحديث si c'est dans le متن. قال إلا أن معرفة مبهم المتن لا يخلو من فائدة. لكن le fait de connaître ce qui est une فائدة. قال كما ذكر ذلك السيوطي في التدريب نقلا عن أبي زرعة العراقي وذكر منها نسبة الفضيلة إلى الصحابي. نعم. مثلا si tu sais son nom, la fadila, tu pourras dire c'est ce sahabi. مثلا أسماء. si tu n'as pas le nom, tu sais que c'est un sahabi, mais tu ne sais pas c'est lequel. Amma min hayth al-hukm, al-hadith il est sahih. Ça ne change rien le nom dans le maintenant. Que ça soit maintenant, rajulun qala li nabi sallam. Que ce rajul, ça soit Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, ou Ibn Umar, ou Abu Huraira, ou Abu Bakr. La haqiqa, ça ne changera pas grand-chose, anta. Ça ne changera pas grand-chose dans le hukm. Maintenant, un homme, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que je peux faire telle chose? Un ami sallallahu alayhi wa sallam, il dit, na'am, tu peux faire. Que ce soit Abu Bakr, ou Ibn Umar, ou Ibn Mas'ud, radiyallahu anhum, ça ne te change rien dans le hukm, anta. Qala, wa dhakara minha nisbat al-fadila ila al-sahabi, law kana fil hadith, alladhi abhama fihi fadilatan lah, wa dhakara ghayraha. Et vous verrez, inshallah, dans le kutub al-muwassa'ah. قال راجع المقدمة أي ابن الصلاح وشرح التفسير مع فتح الباقي فتح المغيث قال شرح النزهة etc. Il donne des références تمام. الآن vous n'avez pas d'utilité. لأن c'est le premier livre. لكن avec le temps ces références elles seront utiles جدا. لأن tu voudras des فوائد dans le مبهم, tu voudras élargir maintenant le sujet. Inch'Allah t'as les pages, t'as le volume, t'as tout, t'as plus qu'à aller. En fait c'est un amal طيب. Citer les références c'est مهم. Habituez-vous à citer les références. Mets-toi un manhaj, tu parles avec des références. Tu vas voir que tu vas fermer beaucoup de bœufs. Combien de frères ils se sont fait du mal? Ils citent une chose, Thomas ça va loin. Thomas à la fin, tu es obligé de faire taouba. Tu es obligé de t'excuser. Tu es obligé de t'adar, tu es obligé de montrer. Les mads, elle a parlé sans référence. Et à la fin, Wahid lui montre, là tu t'es trompé. Tu n'aurais dû pas parler comme ça, tu n'aurais dû pas propager ce canal. Faites attention à ça. Il ne faut pas qu'on s'habitue à peu près. Parle avec des références. T'as pas de référence, Allah alam. Qui c'est qui t'impose de parler? Au lieu de parler, rentre chez toi, fais des recherches. Maintenant, t'as eu un kalam avec un frère, au dhuhr. T'as pas la ma'louma avec toi. Parle-moi, il te parle, dis-le, Allah alam. Inch'Allah, je vais voir. Entre dhuhr et l'asr, tu fais tes recherches. Au asr, tu rencontres le frère avec du ilm. T'as préparé. Il n'y a aucun ilm. Le ilm, c'est de parler sans ilm. Elle m'a préparé, Seigneur, elle m'a préparé. Et parmi elles, tu vas voir que tu vas staffer de toi, et tu vas, le frère, il va staffer de mink. Et les gens, ils vont aimer ton kalam. Là, tu parles bien. Hada, c'est mohim. On s'habitue à hada. Naktafi bi hada. Al-mubham ou al-mu'an'an, c'est simple. Baqi a le point de tadlis. Rabbama, certains frères, ils vont pas tout comprendre au départ, c'est normal. Quand on fera le tadlis, Inch'Allah, faites-moi penser, on revient à. On revient, quand on fait le tadlis, on revient au mu'an'an pour, avec les détails du tadlis, on expliquera encore plus. Et Inch'Allah, demain, on prend notre qism. Al-Ali wal-Nazil. Naktafi bihada. Subhanak Allahumma hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.